أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور أهليتي فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارج رضي الله تعالى عنه قال: كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رهيلته ولهابها يسل على كتيفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw buñu sante yalla jul ci yentibi alayhi salatu wassalam, ñi ngi leen di nuyo di leen ziyaratam di leen balu haq bu baax baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal. Kon ñu yeggale inshallah ta'ala sharh yi nga xamantene mom lañu nekkoon ci bulul maram min adillati al-ahkam bu al-imam al-hafiz أبو العباس أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله كي نيتلو بونتو بي رامنتي نيغي سي ñaar fukelu hadith ak ñaar fuk ñaar fukel ak ñet ak ñaar fukel ak ñent manam 23e ak 24e hadith nga xamantene dafa wax ne wa anhu manam ay an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala manam anhu qala لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولهابها يسيل على كتفيه. اخرجه احمد والترمذي وصححه. كون حديثي موم الحديث يوي لا نيار يوي لا موم موي بو نك بي كون موي عن انس بن مانم جير نانتي موم موي سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا بي من لما كانه قال دا فو وخني لما كان با لما با خامني كان نيكون نا yawma khaybar bisu khaybar manam muy xew xew ga amara digel na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla li aba talha radiyallahu anhu warda anna bihi fanada mudadi wot ni inna allaha nakbur yalla wa rasuluhu ak ndawam ni sallallahu alaihi wasallam yanhiyanikum ñom ñaar ñi ngi len di tere an luhumi ci ndawalu ci yap al humur mbam al ahliyati ko ju keur yi manam mbam yi nek ci keur yi moy mbam sof ko defé mu wuté mbam allu fa innaha ndax kat mbam sof rijsun sobela wala bok ndawal li sobela wala ndawal li sobela innaha rijsun wala mu delu mais lolou dinañ ko gis inshallah ndax damer gi ci lan lay delu manam pronom bob legui mune muttafaqun alayhi hadith muttafaqun alayhi gis nañ ko gisat ko dinañ ci ñëwaat bit fi inshallah legui mu tek ci benen hadith bi mo an amr ibn kharija radhiyallahu ta'anhu sayna amr ibn kharija radhiyallahu anhu ken sahaba yenti bi la sallallahu alayhi wasallam dinañ ci ñëw tam lu ci inshallah anno qala ne dafa wax ne lama moy khatabana khatabana moy khutbal nañu rasulullah ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam bi minan ka minan moy bisub tebeski wo wo fek mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ala rahilati min ci ka war wayam wa lu'abha ay tuflitam yasilu manam tuflitu lan war way wi yasilu mangay walagan mangay wal ala katafaye ci sama mbagi manam sama mbagi mune akhrajahu ahmad akhrajahu sunan hadith bi genn nako ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala wa at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi rahimahullah wa sahhahu te wiral nako manam imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala bim solo hadith ba pare dafa wone hadith bi hadith bu wirna kon ñaari hadith yoyu ci jotay bi wessu ak manam ñaari jotay yi wessu wala ñaari jotay yi wessu tambale won nañu gis hadith yi mais ñi ngi won ci hadith bu ndek bi ci sharh yi nga xamantene mom lañ doon sharh baati ñi ngi won ci baatu khaybar wax nañu li nga xamantene mom moy kharabi amna tamit yenn mbir ci kharabi yo xamantene jot nañ ko tuddu yo xamantene dana tax ñu xamne manam ñu gis de manière globale naka la xex kharabi demé won bisub khaybar dafa tombé nak manam ci jeexitalam manam jour bi nga xamantene manam bi khaybar jeexé manam moment biñu té biñu ubbé khaybar ci la tombé lo nak jafar sayyidna jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu manam jugé won ak délégation bi nga xamantene ñom ñoo démon habasha manam donc 12 ans d'absence manam ñu absenté wu ci ñu ñew jugé habasha dogu ñew jugé dogu ñew fekk ñi nekk medina ci juroom bénal ak ci gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam manam kon ñom depuis période bobu yépp ak ces période makk bi yépp ñu fekk wu ko ñu ngi won habasha ñu ngi utupi wala manam nekkon fa nekkene wu nekkene jamm sert mais aussi sen mbir manam dañu bayyi won seen alal seen lepp luñu yoron pour meuna nek fofu non manam muccel seen yaram parce que gaday habasha bi du won gaday bo xamantene pour muccel diine kessel mais c'était aussi plutôt pour muccel manam bakkal parce que sinon dañ leen don ray makka voilà dañ leen don persécuter voilà persécution bu metti metti sax bu jiggi day sax lañ don dund ñi fa xawona dess sax moy ñi nga xamantene amon nañu touti manam xamnañ ñi ku leen rayit du deng problème dana am wala manam am nañ ku leen bi ar ak yu mel non wala kon ñom biñ jugé motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak contact dali jox jour bobu dali phone ci digënté ñaari bëtt yi fi Jaafar radiyallahu anhu mais xawma ci ñaar yi lan lañ ci wara contact ndax ci ubbi giñu ubbi Khaybar Allahu akbar wala wala ci aw bi qudumi Jaafar wala bi fatkh Khaybar am bi qudumi Jaafar ndax ubbi giñu ubbi Khaybar la wala bok ci Sayyidina Jaafar radiyallahu ta'ala limu dik manam mom ak momak manam momak ñimu andal dem xarit wala dem gaday fele ci habasha ñaari gaday yoy non donc kon khayba bon legui après bon borom bi yentibi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ak yahudi bon ñu am ben pacte bu ñu def pour ñom ñuy bay tole comme ñom ñu gëna xam tole et cetera fofu ak souf soso nan lañ koy baye ak niñ koy topatoé ñom ñu gëna xam terrain bi bon ce qui fait que ñu teureul leen ay conditions pour voilà pour suñu baye ba paré ñu séddo voilà ñu séddo voilà d'ailleurs lool mom motax leg boba yahudi dañ def tout pour baye ko baye bax parce que comme dañuy séddo voilà baye sino dañuy saboter baye bi wala ala kulli hal manam kon pour teunk Khaybar ci jotay bi wessu gisoon nañ ko ak wala ak li ci demé inshallah dinañ ci delu soat ci buñu yexsi ci masaili ci masala yi dinañ wax dinañ indi wat plus de détails parce que jotay bi wessu jotone nañ am yuñu jundju ci jotay ci xéetu atté yi nga xamantene ci xare xébar la ko la atté yoyu waccé inshallah taala ji jotay yi nga xamné mom lañuy bérel masal fiqh yi inshallah dinañ ci wax inshallah xare xébar yeen atté ñom ñoo ci wacc parce que du wala yu xawa takula ay atté fiqh yo xamantene manam moment bobu ci la wacc kon muna lamma kana sayna nas radiyallahu ta'ala anhu muy nekk muna lamma kana bi nga xamantene nekk na yawmu khaybar bisub khaybar kon manam waxon nañ ne bisub khaybar du benn bis waye 24 jours la mais que yawmu moy événement bi lay tekki manam xew xew bi voilà comme li alquran wax wa yawma khaday bi a'dabatkum kasratukum bis khayl manam bis bi lay wax fek xare bi li ci djublu voilà comme yawma badrin yawma uhud joy muy wax fek xare bi ci bopam la ci djublu legui mune amara digel na rasulullah dawali sallallahu alayhi wa sallam amara verbe la bo xamantene day dafa joge ci al amru bi tekki ndigal al amru nak naam day tekki ndigal ci de manière générale mais day tekki ab mbir day tekki ak mbir voilà comme li yentibi wax sallallahu alayhi wasallam kullu amrin fi balam bepp mbir bo xamne borom bu am solo amrin fi balam voilà mais alquran bu tuddi al amru ndik manam amna fukki at fukki piri ak ñent yo xamantene amnañ ci bir alquran yo xamantene sa yu waxe al amru bokut ak morom bi limi tek voilà ya dara tam khadisu si si man sax faté won na wala faté non deug la deng kon lool la kon ala kul hal leg kon ñu teunk ci côté amru wa wala legi kon yenté bi sallalahu alayhi wasallam ndigal gi mu joxe moy amru amara né comme alquran wala joxe ay exemple comme bu nan inna nan yudabbiru al-amra min as-samaa ila al-ardh fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin imma ta'uduna manam yudabbiru mom moy sop manam yudabbiru moy sopandiku moy administrer al-amra manam lol limi tekki moy ki moy lepp li nga xamne daf koy gouverner wala lol lay tekki wala min sama ci ko asama ila al ardi ci jeme ko ci kaw souf manam comme par exemple fim nan yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah bis lay don bo xamne ken du manal ken dara bak ben bakkan du monal ben bakkanam dara ba fara dami wal amru manam atti bi lay tek yawma izin bis bobu lillah ñel na bu yalla onaka falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim falyahzar na moytandiko alladhina ñi nga xamantene yukhalifuna dañuy wuté kan amrihi ci sunnam lay tek mom yent bi sallallahu alayhi wasallam ñi wuté sunnam an tusibahum fitna ci fitna dal len nañ moytandiko bala fitna di len dal aw yusibahum adhabun alim wal ba mbugal bu metti dal len voilà inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun manam inma wala amruhu manam moy ndigalam moy gis nga moy donc fi ndigal lay tek manam wala ordre decision wala et cetera manam topal lolou bamuy fukki fuk ak ñent voilà legui suñu xolé batu am amara kon mais fi ni ndigal joxena ndigal manam joxena ndigal lay la manam yentil sallallahu alayhi wasallam dafa joge ndigal mais al amru moy lan manam joxena ndigal moy lan parce que al amru inshallah suñu hadith bi borom subhanahu wa ta'ala dafa def dafa bolé ñaari concept yépp yi nga xamantene ñom ñaar dañuy jakarlo moy liñu wax al amru ak an nahy parce que bo xolé fi tuduna al amru dinañ ñew ci bat nahy ndax fim nan yanha yani kum voilà dañ leen di téré ah moy donc liñu wax les commandements et les interdictions voilà moy les formes d'injection voilà de voilà donc né def leen wala bayi leen donc al amru moy ndigal amru wala amara buñu waxe al amru mom moy istida'ul fi'l ala wajhi al isti'la lol mom moy al amru manam lol moy definition ci la manam moy lan té d'ailleurs même usul yuna yi lol lañ koy tuddé manam rahmatullah alayhim moy dañ wax istida' wala dañ wax talab mo ben la talab moy istira moy sakku dara wala talab sakku dara donc moy kon istira'ul fi'l moy sakku jëf né ala wajhi al isti'la ci anamu yëkëti ko neng ci anamu yëkëti ko manam fop ki diglé manam moy ndigal ñu def parenthèse fof bala ñoo yéggal ñun wolof bu ñu wax ndigal dafa am ñaar dañ ci djublu ordre mais dañ ci djublu permission wala autorisation voilà mais fini ordre lañ wax voilà voilà commandement moy fini amru bi ñuy wax parce que sinon benen bi ci dess izni la tudd voilà izni moy autorisation wala permission voilà mais fini amru commandement lay tek injonction voilà deng kon voilà moy d'ailleurs amna ñu koy wax le ci conjugaison conjugaison la verbe impératif impératif voilà voilà moy lool kon lool moy ndigal moy kon nga jox nga wax kenn dara manam nga sakku ci kenn wala ci lenn kon nga sakku ak jëf parce que sinon budul lolou rek du mune fuko tuddi digal fok sakku gi am fi kon moy nga sakku ak jëf mais ci walu yikitiku manam moy lan moy ki ngay digal il faut nga wan ko ne ko manam nga wax ko nga wané nga fekk na yow ya ko fete kaw sinon do teketi digal parce que ndigal ken du ko jox ko xamantene mo lo fete kaw voilà faut mo am hiérarchie voilà entre ki koy joxe ak kin koy jox légui lool mom motax yentibi sallalahu alayhi wasallam ci hadith bu nek ci ñaari sahihi moy hadith ndeysan ibn abbas radiyallahu anhu moko don net mais abbas radiyallahu anhu ñu fi won fekk dafa am ñaari jam en fait moy barira ak mughis nga barira ak mughis radiyallahu anhu barira ñom ñaan ñep ay jam lañu won ñu seyol am ñu maye len won bañu am ay dom bimu légui nak biñu goré lé barira parce que barira dafa def ñu wax mukataba manam dafa bindé fex bindanté ak patronam manam kiko mom patron fex ba kiko sayyidat aisha la dara moko tan jappalé d'ailleurs mo waralon yéne sallallahu alayhi wasallam yégon ci kaw ki bi parce que ñom dañu chartone né wala ubi manam niko mom dañu chartone né wala ubi manam wala u moy alliance bi ki mokoy ñom ñokoy mom xam nga ki dafa am manam pour teunk boko rewé jam ñaari jam boko gorélé mo xam yow ya ko momone wala dang ko jënd pour gorel ko da fay am ben relation buy dox sen digeunte buy tuddu wala wala wet moy alliance bobu non nga xamantene moy dox sen digeunte colère gogo wala bo day dox sen digeunte de telle sorte que dang koy meuna don mu meun la don ci ay condition quoi voilà dang koy meuna don mu meun la don légui nak ñom dañ ñewon légui alliance bobu am suñu digënté ñun dañ lay jaay dañ lay dañuy fexé gaay dañ koy gorël manam sayyidat aisha rabbi allah moko don jappalé pour mu gorël manam di jappalé ko ci walu alal mais après condition bi moy né ñun wala ugi ñun ñokoy mom manam alliance gog ñun ñokoy mom ci la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam déggé won lool nak dem bam yékk ci minbar bi doon wax non nak nan kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa baqi dila waxe charte bob wala ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa baqi lan motax am ay nit ño xamne dañuy wax nangam ak nangam momu nent non la dan waxe sallallahu alayhi wasallam yeen sa sallam daanul denoncer mukk ben affaire nan diw wala ñom diw jamais da dan wax rek ne lan motax am nit ñuy wax nangam ak nangam te pourtant day xam seeni tour xam seen sante wala mune mune manam sen sante manam sen turu baye parce que voilà comme ñun ni ñi sante mi jamono jottu ñom daanu ñu sante non legi mune bepp chat bepp condition bo xamne nekul ci téré yalla bi lolu chaatan la manam neen la dafa c'est hein caduc la wa dafa caduc manam de bu ko gaay defé tamit condition manam buñu tay buñu ñëwé né dañuy signé ben contrat bi ñu gis nga dafa contraire ak principe de l'islam manam ak nekk fi ak ñak fi nekkam ñoyam kep contrat bobu je tenuruma aucunement pour respecter té d'ailleurs waruma ko respecter hein nul et non avenu voilà moy dafa caduc nul et non avenu voilà donc kon lolu mom moy lolu moy moy menga lolu mom moy legui mom moy charte bi mu teural lolu legui nak biñu demé ba jënd ko paré bari rab yi mu goré dafa dem nak mais bon legui dañ koy tan lo parce que xam nga en fait comme que ñom ñaar ay jam lañ won légi après dañ ko tanulo ci est ce que day mo dess ci sey bi wala du ci dess parce que lolou day dal am droit de parce que lolou condition ndiam gi moko waral momu ne non bugul ibn abbas radhiyallahu anhu ne may gis ndeysane bobu ñun ay xalé lañ wala ñu ay xalé lañ wax neena may gis mouris di nek sey sa di dox ci marché rek yoy di joy ndeysan ndax di top ci ginnaw bari ra di joy ndeysan neena da na way bu bari ra dem han neena yent yi sallallahu alayhi wasallam day am manam ndijay muy ab abbas radhiyallahu anhu niko ata'jam min mahabbati mughisin li bari ra wa min karahati bari ra ne xana yewulo na ala taajam xana yewulo ci manam bëgg gi mu ris bëgg bari ra ak bari ra bañ gi mu ko bañ xana lolu vraiment lolu jaru yewul après ndaysan mu wo bari ra ne ko delul ina irji'a ila zawjik delul ci sa borom kër manam ndax mom mo la wala yeen yag ngeen nek mo lu jurul say doom et cetera condition ki yoy la ko wax manam cause yoy la ko wax muneko ata muruni ya rasulullah sa sax de ngi ko est ce que dañ may digal yoy yantibi sallalahu alayhi wasallam muneko la innama ana shafi'a deul man damay ramu rek damay intercéder rek c'est à dire que dama lay wax rek ne pour so beugé voilà wala manam damay wax rek ne li xeyna moy gëna rafet mo gëna jekk et cetera mais waxuma la ko parce que dama la jox ordre dama la jox commandement wala dama la jox commandement parce que lolou mata baye xala parce que entou salam leg muy wax motax dafa am ay facet yu bari yu muy yor mom sallalahu alayhi wasallam yu bari yu muy yor ci ay waxam leg mu comporté wono xamantene juge lay doon leg leg mu comporter wo comme no ko xamantene conseiller lay don leg leg mu comporter wo comme ko xamantene da fay joxe avium ci bir société et cetera donc voilà leg leg tamit mu joxe mu taxawayu nak ne man ma fi taxawal borom bi voilà li la ngeen di wax di mi ni voilà def le nangam et cetera man donc ay ay facette yu bari la yo voilà même bo xolé nga ki ñewoon par exemple ci wéru koor bi fekk mu andon ak soxnam ci wéru koor bi bam koy fi mais da ko dox ay dañ ko mais defal nang so pare lolu ki nga def na donc lolu c'était en tant que législateur hein comme kuy voilà tek sharia mais yoon bi ni la manam processus bi li la voilà et cetera donc bimu ko waxé lolu ñu ko waxé lolu ki ne ko barira ne non mo bëggul ko non mom dal waaw mom dal parce que condition ñam gogou manam mom xeyna manam li gëna note ci ñor ci moy ne liko taxone ki moy manam condition ñam gogou la bëggul wona dess manam parce que bu amé jëkkeur di nekk jam xam nga jëkkeur di mën nañ ko jaay mën nañ ko jaay keneen te day dal obligé dem top ko fum nek manam et cetera ba para tamit dootul nekatuñu ci même niveau voilà voilà exactement voilà rang social dafa évoluer mais considérablement mais nous comme ñun liñuy wax rang social fi dedet ñun suñ société yi liñuy wax rang social da naka amul différence bu mak voilà amul différence bu mak d'ailleurs parfois sax da dul am en fait parfois c'est parce que ci bop yi lay né mais amul mais c'est vrai parfois amul mais boudé ñom rang social bi effectivement day lèr parce que jam ak gor duñu ben voilà ah ki jam la ki voilà ki ci dess gor la légui kon ñu manam liñ ci djublu won moy lim ko né est-ce que dang may digël yentib sallalahu alayhi wasallam wax ko né ko manam nim ko né dédé digëluma la manam ci lañu ci ngay gisé ni manam ni digël fokk mu am ben genre autorité bu fi nek voilà ben manam façon autorité benen bi res mom moy né arab yi loolu lañ xam ci al amru digël mais loolu dinañ ci ñëw inshallah ci buñuy gis masaa'il ci masay usuliyé inshallah ci walu amru ak nahyu mais lool la wax bugul kay day bay parce que lool moy loi bi fure jam la ak gox ci non rek la mëna démé mënul démé nénen dëng légui bay ko bay voilà légui kon ndigal amru moy joxe ndigal joxe commandement kay légui dafa am formule yi nga xamantene mom lañu joxe ndigal ci arab du ben formule kesse mais formule bi gëna général siqa bob mom moy ifal moy le verbe impératif mom naka hein naka impératif présent non bin na la defal voilà mode impératif voilà mode impératif bob mom moy li upp moy defal ak bul def mu wala surtout defal nangam légui mu am mais ma ngi djeglu bala ñu dugg fofu dañ doon wax ci ndigal lan moko woutélé lan motax isti'la ji war ci am manam autorité côté autoritaire bob manam wané ni da ko yékiti ku ci kaw il faut ko mu am ci moy kon moy bu fekkenté né contraire bi manam ko xamanténi da ngay na tolo kokku lim koy wax tuddul ndigal bob ultimas la tudd moy da ngay sakku ci mom dara moy comme tay par exemple buma né la xélal ma ci ndox ni seen gay xélal ma ci ndox ni manam lolu ultimas la tudd manam nekul ne ordre bu makoy jox wala commandement mais dama ko wax manam sakku ci mom pour rek mu def ko voilà manam su ko nexé mo na ma ay joxu di do nono donc ordre ki bobu ultimance tuddu manam tay voilà wala tay par exemple nit ñew exactement nga koy jox conseil ci dara lolu ultimance la tuddu ba tay nga koy jox conseil waaw bon waaw ah tay nga def li c'est defal ni yoy non defal na nga même bu fekkante ne mode impératif ñuy utiliser fais ceci hein vas-y là-bas nangam yu mel non ngay wax manam mode impératif la mais ultimance la manam du ordre du commandement parce que yeen ñaar yi ñu tollu liñ koy wax voilà ah légui mu dess benen bi ci dess mom moy fekente ne ki sakku ki wax di même bu dé mode impératif lay utiliser ci façon moy fialul am rek lay utiliser day dafa fété souf kim koy laaj kokou lolou ak du'a ou lutud motax ñun mo ñaan yépp da ngay gis pourtant mode impératif la yalla may ma nangam jox ma nangam defal nangam saxalal nangam hein et cetera lañuy wax voilà mais duna dañ koy jox ordre mais dañ koy dañuy sakku ci voilà dañ koy ñaan voilà lolou voilà lolou parce que lan lolou lutax parce que forme bi ñi utiliser sudon ñun ñoo fété kaw lolou digël lay tek mais comme yalla mom ci nekul ci ne mo fété kaw ñep lolou ñaan lay tudd manam ak ñun buñ koy wax ñaan gog lañ tudd lolou mom motax c'est très important ñu bayyi xel ben point bu am solo ci amru gogou ci digël gogou ak joxe ordre bi yalla kenn duko jox ordre dede jami lañuy jox ordre mais yalla kenn duko jox ordre mom moy joxate ordre parce que lolu dafa important parce que mom lenn la moy mo comme ni ko waxe fa'alun lima yurid bi mom lenn la lay def moy que li ko neex ci lay def ci lay sax manam difa konu lu ko neex la du def lenen te lolu il faut que ñu intégrer ko parce que leg leg da ngay deg ken ko bon souvent ñu xamul lañu doon di waxe waxin wo xamantene manam ñom dañuy japp ne par exemple ah walu yu sangam day manam day ki yalla quoi manam comme fi rekoy leg leg sax ngay deg terme yu xawa ñak xorma deug haqiqatan yu doy war sax di wax ci borom subhanahu wa ta'ala di luy tektale ne ki da ko xamut moy comme lu demene ay yalla dañ koy pogné yalla et cetera des termes yu ñak teggine yu ñak xorma ci suñu digënté suñu borom subhanahu wa ta'ala lool yëllu wut yalla kenn du ko jox ordre mom moy joxe ordre mo fété kaw ñepp té lool il faut ñu conscient même terme yu ñu utiliser sax il faut ñu manam c'est-à-dire que mom tenirul est ce qu'on parle là manam obligation amul ci mom tenirul ti respecter dara voilà tenirul même engagement yi bo kuma jamu def nangam bu yobula aljana ku def li nangam bu ko nexé du ko def voilà mom lu ko nex rek lay def mais kessé gis nga même yi mi wax sax né ku def nangam yalla dana la dimbali nangam ku mom tenir route respecte ko voilà amul ben engagement amul ben lu mu def rek ci mbaxam la ko def voilà dina ko def parce que wax nako lolou ñun dañ ko gëm té wax nako té xam nañ ni dina ko def mais lolou da ko def parce que dafa bax té lolou sax tenir route respecte ko batay comme niñ ko gissé won ci kunuzi ci itlaq al taqid bi ñek ci itlaq borom bi subhanahu wa ta'ala malgré que wax nañu né yowmal qiyamati manam amna ay signe yo xamantene yoy bala yowmal qiyamati yoy dana am et cetera mais su ko neexon legui lay taxawul yowmal qiyamati su ko neexon legui lay tay ni tay lako taxawal après ñu ne ko lutax xaru ñu xaru lutax mahdi ñewugul ent yalla isa ñewul lutax dajjal ñewul lutax keegi lutax jant bi jugewul ki west ñu ki jow est mu ne le luma neex lay def xex yalla moy koku yalla lool la manam lu ko neex lay def amul règle en fait lu ko teunk ci dara lool il faut ñu comprendre ko ce qui fait que ni amul ben nitu yalla nak bu xam yalla manam bu comprendre han di taxaw ci kanamu yalla di am ben expression mu utiliser ñom ñep xol leen seen ñaan yi ñom ñep tabale ko ci yentibi sallalahu alayhi wasallam nga dem ci ñi ci def ñep nga xol ni ñi waxe ak seen borom ni ñi wacce seen bop ak seen borom incarné deug deug ni ñom ay jaam lañ yalla mom moy kilifa gi mom kesse moy borom voilà non lañuy waxe mais pas comme mais voilà donc koy ki de non yalla amul lool voilà même lañ lek sax nga deg ko ñu diko wax ci ay kilifa hein comme lañ nga deg yene sa mbokk talibé diko wax nan voilà xam nga comme ni donc koy cheikh donc koy ki koy poñé mu jox le nangam et cetera wala nga ti non kan moy taxaw ni sax mais nañ wax mais nañ xol rek nañ jël rek ci cadre bu gëna soufé ci ñun ko respecté deug deug est ce que ah mën nga gis ni kilifa la comme taa nga lan ko voilà mën nga rek cadre bu gëna soufé waxuma la nak ci cadre yu kawé yoy voilà yalla ñu yalla sam mais manam parce que lolu en fait il faut ñu def différenciation entre mouy voilà ñun bu ñuy ñaan ñu ñu fété kaw dañ leen di ñaan voilà yalla dañ koy ñaan voilà lolu tax ngay gis touma de li ñu tuddé at-tadarru wal ibtihal même wala amna ben hizb na hizb at-tadarru wal ibtihal manam voilà dara ñu wax at-tadarru manam toroxlu dañ ak soufir wal ibtihal manam wacc sa bop complètement doyedil wané sa doyedi voilà non lañu doxale ci digënté borom bi subhanahu wa ta'ala digënté yentibi sallallahu alayhi wasallam même digënté même digënté talbi ak sëriñ non lañu doxale voilà waxuma la nak di yalla téré ngay xalam nan ay dang koy exiger wala yoy non même subhanallah dafa am ben affaire bo xamanté ci bokku na ci fu adam yi gëna mak manam su adam moy ñak teggil yi gëna mak bu abtal bi par exemple mëna def ak sëriñ bi moy lu démé nek ilhah manam insister ci dara lan ngay xalat nak ci suñu digënté ak suñu borom lan ngay xalat suñu digënté suñu borom naam bu dé suñu digënté ak suñu borom bi insister ci li ngay ñaan lool daf ko neex parce que ñaan gogou mom ci bopam jëmmi jaamu yalla la parce que ñaan gi moy jaamu yalla mais serigne mom nit la mom motax voilà amna différence légui kon kon amru nak manam amara dafa am ay dafa am lan ay siyah man formule yo xamantene buñ ko utiliser dañuy xamné ki di joxe na ndigal bu ñëkk bi moy utiliser fiar fiarul amra moy bi ci gëna siw moy mot imperatif bobu amna benen mom moy nga utiliser mu al mudari al majzum bi lam al amri manam mudari al majzum bi lam al amri mudari moy le présent continu moy présent continu manam wa bo xamantene dañ ko dess mo man dañ am utiliser formule d'insistance bo xamantene lam manam likoy tektel formule d'insistance moy lamul amri moy d'ailleurs lamul amri lañ ko tuddé voilà moy lam gi nga xamantene moy nek ci kanamu phrase bi comme fal ya'fu wal yasfahu nañuy jéggelé tay jéllelé gis nga expression bob nañuy jéggelé tay jéllelé fal ya'fu wal yasfahu gis nga lam gogo moy woné né té pourtant mudari'a la moy woné né dafa utiliser forme hein voilà for formule qui comme par exemple insistance voilà insistance voilà garan bi ci dess mom moy ismu fi'lul amri amna ismu fi'lul amri moy non lay don bo xamantene tour la naw nañ ko xati tuwa mais tour la bo xamantene comme fi'lul amri la mel comme tay bin alaykum anfusukum wala alaykum bi sunnati wa sunnat khulafa ar-rashidin alaykum dink na len gis nga dink na len sama sunna xam nga lolou tour la bo xamne tour la voilà ak dinkane manam na ngeen sax voilà man c'est comme si dafa ni c'est comme si dafa ni na ngeen saxo ak sama sunna khalifa c'est comme si lolou wax voilà legui niki nonu amna al masdar naibul fi'l al amr moy masdar bi nga xamantene manam substantif la bo xamantene day remplacer day substituer hein fi'l al amr moy comme fa iza laqitumul ladina kafaru fa darba al riqab fa comme lool fa iza laqitumul ladina kafaru fa darba al riqab sa yo len tassé ak ñi nga xamantene yefir lañ manam moy moma xexi geri muna fa darba al riqab gis nga utiliser darbu la utiliser manam na comme par exemple tay bu doon dañ koy wax ci ki moy na bat yi dox manam na bat yi dox manam xam nga lolu mu ne lolu c'est une forme de commandement voilà xam nga tay buma ne xolal xolal tay buma ne julli mo fi am julli mo am watam benen xéttu formule la moy xabar la bo xamantene day taxaw taxawayu hein lamar day taxaw taxawayu hein voilà moy insha lolu lañu insha xabar bo xamantene day taxaw taxawayu insha manam Voilà. Voilà. Khabar moy information. Bo xamantene tay buma taxawé dal ni gars comme nak comme ben way ben way ñew ci kër gi dal ni mom par exemple muy fréquenté kër gi te bu heure julli joté nga gis ko mu dem par exemple voilà ko wi gay do gis pa bi gene dal ni fi julle fi am voilà moy la moy deugay julli voilà manam xéet ordre la manam xabar la information la mais dafa yor sensu sensu ki lol bob mom moy bi mujju bi moy kon juroomi duromi façon bo xamné ñenti xeex la benen bi ci def ga xabar la man ñenti ay formule lañ mais benen bi ci def xabar la bo xamné da fay am ordre ki wu ordre bon bo gisé ñu waxé ni manam pour expliquer commandement lan la manam pour ñu xam lan lay tek deug pour ñu baña jappé lo xamné du commandement jappé ko commandement et que pour expliquer surtout que ni sax ki ndax baat bi kessé day tektélé ndax dinañ ci ñew inshallah parce que explication bi da fay tax ñu comprendre que ni baat bi le fait que sayyidina anas radiyallahu anhu daan né digël na né yent bi sallalahu alayhi wasallam dafa jox digël abu talha radiyallahu anhu pour mu wax manam dañuy xam né loolu nonu digël le go xamantene utiliser le ben ci formule yo xamantene sik nekul ci na sayyidna abu talha radhiyallahu anhu mum xamna ni li ndigal lay tek fek sayyidna anas mi ko nekkal radhiyallahu li ndigal lay tek parce que lolu buñu xamé ni ex ki bi manam li ñu detaay ki bi développement biñu def ni dañu comprendre que c'est impossible comme li ëpp ci fuqaha yi wax normal bo xam ko usul yu ne rahmatullahi li ëpp li ñu wax té ñom ñoy moy ñu nek ci mazahib al arba'i moy imam moy sha'i ki hanafi maliki shafi'i hanabili rahmatullahi alayhim ñom dañu d'accord ci ne ndigal gogo nonu sahaba bi bu ko waxe da fay tek day manam day yor manam li ñi wax hukmu raq ala yor manam até lu ñu yëkki ba ci yëm ci bi la yor sallallahu alayhi wasallam xam nga ñun ni baat bi ñëwé ni xamuñu ban formule la yëm ci bi sallallahu alayhi wasallam utiliser pour wax ko sunna abu talha radhiyallahu anhu est ce da ko wax lo xamantene mom man na ci diñu yire ni dañ ko jox digal fekk du lolou wa wala det donc possibilité bob bi mu taxawé lolou mom motax ñu soxla développement bu melni parce que suñu amul développement bu ki bi ni manam explication bi ni pour nous comprendre lan moy digal deug ak lan lay tekke dinañ duñu manam dinañ gis ni bo comprendre li di nga comprendre que ni c'est impossible que mu wax ko leneen rek fekk da ko don comme par exemple ultimas la ko def lako manam lo xamne da conseil la xetu ki la wala yoy wala da ko da ko ñaan fekk ndekete digeluko ko fekk digeluko alors que uy xamé différence bi ci nek ak façon formule yi ñi utiliser di nañ xamné c'est impossible mu nek lu mu déduire ci bopam kessé mais dafa nek lo xamné effectivement dafa xamni li kat yentibi sallalahu alayhi wasallam limuma wax limi tek moy mayuma choix pour ma def pour ma mola ma baye parce que lol tamit fuk ñu comprendre ko te ñom xamone nañ ko comme li alcorane wax fofu fal ñu fal yahzar gis nga même expression bobu la utiliser gis nga forme bobu tam forme bobu la hein moy lamul amri gi nek ci fi'l mudari' moy fal yahzaru alladhina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun alim ni nga xamantene ñoom ñoy wuté sunna yantou sallam wala digelam tout simplement ta rek tout wala ça rek sunna lay tekki comme niko tafsir kat yu di firé imam ahmad ibn hanbal rahmahullahu ta'ala ci ñu gën manam ci li jitu ci ñu gëna siwu ci ñu doon diko firé nonu la bok ci ginnaw gi tafsir kat yi topé ko mais manam digël la dama ñëw général mais que lu sunna lay tek fof manam ce qui fait que yamul rek mu nekk digël yoon tali sallallahu alayhi wasallam mais ay waxam ay jëfum ay doxalinam yépp manam ñu ngi wuté ak mom lolu ko moytu diko fitna dalay dal comme li sayyidna té lolu Sayyidna Abubakar radiyallahu anhu waxam di dakoy tekkele parce que Sayyidna Abubakar radiyallahu anhu dafa ne man suma degge dara lu tukke ci yentibi sallallahu alayhi wasallam damay gaawu ndiko def ko mune parce que damay ragal buma yexé def ko fitna dalma la damay ragal fitna dalma ñun lan ngay xalat ci ñun ya subhanallah ha suñu doxale ni am da lay le lerna ni li moy sunna yentou sallam ni lay doxal yentou sallam li la dan wax yentou sallam ni la non seulement ñun dootu ñi yamati ci ñak ko jëfé dootu ñi ci yamati mais dañuy wëlbati ku dem diko critiquer te ben affaire amna yentou bi sallalahu alayhi wasallam critiquer ñaar possibilité mo am ci critiquer ak jëfam bu ñëk bi mom moy kiko critiquer xamul ne li jëf yentou bi la sallallahu alayhi wa sallam walay waxam lol dafa haram deug rek haram moy deug rek bi gëna touti té sax façon haram yi gëna graw la voilà parce que critiquer non critiquer yéneentou sallallahu alayhi wa sallam légui kon lolou ben la mais boudé yow xam nga yéneentou sallallahu alayhi wa sallam li la doon def li moy sunnam ni nga critiquer ko lolou moy ko yéfer la lolou la tek ah moy né yéneentou bi sallallahu alayhi wa sallam limu néké baxul ah wala man mako gëna xam li jup wala yalla limu indi yalla limu wacc ci mom lolu baxul motax mako critiquer lolu lay tek ah mais lolu la mo lolu la wax ah wa mais lolu le appliquer ce qu'il a fait ah mané nit ñi appliqué wu ci ah mais lolu nak dafa nit ñi doxal ñu ko mais baaxul dangereux c'est pas dire que gravité bi lañu souligner instant bi gravité ñak jëfé yentibi sallalahu alayhi wasallam li nga xamné mom la doon digël motax sahaba ay radhiyallahu anhum conscient won nañu bu baax ci gravité bob da xam nañu ne li nga xam tane mom la barira radhiyallahu anha limu wax yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax dang may digal lolou dafa lolou da fay wone manam mom manam dafa bëggono xam est ce que affaire bi digal parce que bu dé digal mom amatul lu muy tan amul choix amul do amati choix yenente bi mo wax sallallahu alayhi wasallam mais comme yenente bi mom daf ko yeugal ne ko dedet man nak damay ram rek instant bi ni taxawuma taxawayu teni man may seen yenente mais dama taxaw taxawayu kulay conseiller kesse ak di sakku intercession plutôt même pas conseiller intercession rek la sakku manam comme lu kenen ko dum man munon def fi voilà parce que les affaires aussi mal aussi là wa wa wa wa lolu amna ci non lolu wa lolu lolu amna ci mais aussi affaire manam dafa beuri lu ci lakh en tout cas agirul en tant que kuy joxe commandant voilà en tant que commandant en tant que amir voilà commandant pour le verbe là, amrou, parce qu'on a dit il y a l'ordre, la requête et la doua. En fait, à chaque fois, c'est l'ordre en fait. Parce qu'après, les degrés que tu as donnés, ça reste de l'ordre. Non. Est-ce que. Parce que la, attends, le premier. La ouais. question, c'est est-ce qu'on peut trouver ce verbe dans une phrase où c'est que une requête, par exemple. Oui. Ah ben, je sais pas comment faire. Regarde. Dans les exemples que tu as donnés, ça reste un ordre. Non, non. Non, non, non. Regarde. Regarde. Si je te dis. Viens à la maison. Viens à la maison. Le fait que toi, ça c'est quoi? C'est une requête. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pas un ordre. Oui, mais la question c'est de savoir si le verbe là, en question, en arabe, est-ce qu'on peut le trouver? Oui, non, non, mais c'est la forme verbale en tant que telle. C'est la forme verbale mm-hmm. en tant que telle, ou bien voilà, le mode, le temps mm-hmm. qui implique cette. Cette demande, cette requête. Voilà. En tant que, soit que ça soit un ordre ou une requête simple ou une invocation. En tout cas, une imploration. Voilà. Une imploration. Par exemple, quand moi, je demande à quelqu'un qui est supérieur à moi, je l'implore. Je lui montre que, voilà, c'est une demande, mais c'est plutôt une imploration. Oui. Tu vois que... Mais quand. Voilà, mais la forme verbale reste pareille. Voilà, amour, fier de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est la forme verbale reste la même. Hein. Voilà, c'est le sens que cela pourrait prendre qui change. Hein? Voilà, voilà. Mais c'est ça. Comme quand je dis Rabbi, habli min ladunka rahma. Habli, donne-moi. Oh mon Seigneur, donne-moi. C'est la forme. Hein? C'est une forme imprévisible. Ah, ça c'est le verbe. Ah, le mot en tant que verbe. En gros, la question, parce que là, on est en train de détailler le mot amrou. Moi, ce que je veux savoir, c'est si je le vois en arabe, je sais tout de suite que c'est une forme impérative, que c'est directement un ordre. Ou est-ce que je peux trouver ce terme-là en faisant une requête? Une phrase, voilà. Non. Amour, lolu mom motax ñu est ak ki bo différencer amour en tant que tel limi tek moy commandement voilà donc il y a pas de doute en fait quand on voit ce non il y a pas de doute premier sens voilà amara moy joxe na ndigal waaw il a donné l'ordre il a donné un commandement maintenant un commandement cela ne signifie pas tout le temps en fait un ordre. Parce que, en fait, c'est l'ordre, mais c'est que voilà, c'est que degré là. Comme on fait, on va continuer à Wolof pour voilà, parce que le cours est en Wolof quoi. Donc, le kibi, c'est que commandement, madame, buñ waxé nañ ordre, dafa am ay niveaux. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que fini. Il faut impliquer deux choses. Si le Al-Qur'an, même le Yenente, ou le Hadith, ou le Al-Qur'an, si tu parles de quoi, automatiquement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'ordre est certes, mais ce n'est pas le cas. tout le temps une obligation de faire. Tectele wul obligatoire, voilà. Tout le temps obligation de faire. Leg leg day tectele juste une préférence. Xolal xolal alquran wax inna allah ya'muru bil 'adl. Ya'muru c'est le présent continu le mudari du verbe amara. Donc c'est le présent continu. Hein? Donc ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wal yatama. Donc bo xolé fofu dafa ni yalla de joxe na ndigal ci hein manouté moy la justice. Lol c'est une obligation. Mais wal ihsan, ihsan moy rafetal. Donc ça veut dire de faire son mieux pour parfaire les choses. Lolu d'autre nekati ordre. Mais c'est plutôt une préférence, une recommandation. Voilà. Donc recommandation bobu la hein ci digënté ñaar rek da ngay gis amna recommandation. Voilà. Donc que ni ordre bi tektelewul obligatoirement une obligation. Mais en principe lool motax ñuy wax ci ciosan al asr en principe ordre obligation lay tek te parfois le verbe mën na ñew nek ordre verbe mën na ñew nek ordre fekk bu tektele batay benn ci ñaar yi day tektele rek lu dagal wa xolal bimu nan fa iza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah su julli gi jexé manam juma fantashiru fil ard tasaru lil tawsus manam dem len lolou tektele wul ni ku julli juma obligé su julli gi paré da nga wara dem et que bo togué ci jakk ju ba tak tan li nga def baxul non tekki wul lol cela veut dire que ni comme dañ ni le won vous étiez obligé de venir fi ñew ci juma ji légui juma ji jeex la limi tekki dem len moy bu len nexé man ngeena dem voilà sens bobu la yox donc parfois même le l'ordre même la même formule yi ñuy utiliser pour ordonner lay lay day tekki hein mais parfois ça day tekki day gis nga li gëna yéme moy parfois mën na tekte lene bul def lool defal nangam fekk na la bul ko def lay tekki comme fim nal fi alquran ne if'alu ma shi'tum inni bima ta'maluna basir def leen lu leen neex ndax man ma ngi leen di tek beut seen def yeup ma ngi koy gis ha def leen lu leen neex ndax ma ngi leen di tek beut lool lu muy tek moy bu len def lu neex voilà attention manou voilà c'est que voilà donc le terme donc ordre bi manam c'est forme verbale bi mom moy tektele lol mom motax ordre c'est de manière générale lañuy waxé né ordre li la ak li du ordre manam ordre dafa obligatoire wala obligatoire lolu fek du sen manière générale mais leg leg ñu wax ko fek xolam comme yeen ibrahim sallam limu wax bari ra regarde pourtant daf ko jox lo xamantene normalement ordre la and ak lolu yep wax ji ndekete yoru sens ordre mais sens conseil sens intercession la yo ram sens ram la yo donc lolu mo motax voilà li motax les textes voilà li exemple la bu am solo ci ñu comprendre que les textes les textes secrets la bëgg wax voilà moy alcorane ak sunna les textes secrets benu am war mam lecture biñ ci wara am du lecture bo xamantene da ngay tok né wey man je pense ko non à mon avis. Voilà à mon avis non lolu du dox ak ce texte sacré pourquoi parce que dafa beuri ay subtilité voilà dafa beuri ay subtilité ay sew voilà donc il faut pas les traduire littéralement mais tout dépend tout lolu c'est à dire que tout dépend qui ci contexte bi ak ci voilà d'ailleurs motax il y a plusieurs choses bo gisé hadith yi ni xam nga buñ ko topone ni hadith bi dal ki dal di wax ni li lay teki dem mais kon ba légui de paré nañ téré bi wala ñu djégé ko mais c'est parce que dafa laaj voilà dafa am yu bari yu mu laaj pour voilà pour la compréhension juste dafa bari lu mu laaj voilà deug parce que leg ndigal kon day tekki day dañ koy wax fekk dañ ci djublu mo ndigal djummi ndigal bi rek leg ñu wax ko fekk dañ ci djublu kat war ak war lool nak mom moy li ëpp ci ndigal buñ ko waxe war na lay tekki c'est oblige lool lay tekki voilà ndax yeralti bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne likoy tektale moy wax yent bi sallallahu alaihi wasallam but hadith la bu nek ci ñaar sahih muné lawla al ashqa ala ummati mi ngi ci bulughul maram ci babu wudu buntu njap ci début bi لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ما بي ما كل وضوء والا امنا تي بما كل صلاه روايات دي نيو باري لولا ان اشق عن امتي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه بالسواك ما كل صلاه تي بما ما كل وضوء موم موي روايه بي نتي موطا وكثر ما دا فبري اي روايات mais bi nek mi nga xamantene mom mo nek ci sahih moy ma akul salat wa yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam la burul won limay bañ tek toono sama xet konontone dana len digal soccu sa yu ñu waré julli wala sa yu waré jam voilà mom wa moy babu wugo voilà moy buntu bi ci teggu voilà moy buntu bi ci teggu wa juste ci kanamu ci buntu voilà ci début bi moy hadith bi ci jif voilà su dul won limay ba lool nak limi tekte la moy dina len digel pourtant xam nga digel na len digle na soccu lu bari mais limi tekte la moy dina len digel go xamantene comme buñ waxe digel en principe limu wara tek moy ne dafa war te lool lañ xam tamit même ci lakku arab ci lakku wolof ak ci lakku tubab ak yenen tay bo ñewé né sa dom démal ci neeg bi nga indil ma nangam dang ko jox ordre légui ñun li ñuy comprendre bu ñewé fekk nga jël sa dom door ko ben way lañ dañu la mé lutax nga door ko lan dama parce que dama liko mu dem ci neeg bi indil ma nangam mu bañ lolo tax mu door ko day daani xamné jaaduna ndax lan ndax mu démone da ko waron mu demone da ko waron parce que yow te pourtant yow li ko wax moy lan demal indil ma nangam ci neeg bi forme bob rek nga utiliser buy wone ak ndigal mais c'est parce que en principe lol la c'est à dire que en principe ndigal lay tektel ak war mais du tout le temps lay tektel war en fait c'est que ki bi ni en général ni par exemple ni utiliser yenn forme bo xamna bu dul ndigal papa day dañuy introduire ben sa forme de politesse quoi par exemple s'il te plaît veuillez zaria est-ce que amoussi arab c'est bien non mais si pour différencier affaire non mais yow li nga wax ni dafa valable que ci yenn lati voilà ci yenn lati et aussi dafa valable ci yenn circonstances xam nga tay fim tollu mën nga wax nit defal nangam s'il te plaît fek doublu wo ci s'il te plaît ah ordre goko jox mais dang ko waxe rek waxe lu rafet voilà ah non lañu def ordre la mais c'est lui là ñu xaar hein mais ñi ngay ligéyal la part du temps wa mais même ak de manière générale lool la mo ordre voilà mais defal la te pourtant mën nga ko utiliser pour ñaan donc ki bi lolou kon ki bi amul impact amul impact mais impact bi mi ngi am ci buma waré comprendre wax ji contexte bi momu koy préciser voilà contexte bi la momay préciser que li nangam rek la ci djublu mais djublu wa ci djublu ma ci nangam voilà kon voilà li ci djublu won moy ndigal gi ndigal gi ni yent bi sallalahu alayhi wa sallam joxe limi tektele moy lan moy ne daf ko warona def mu jog mom kan la tek moy aba khalkha euro kibi jegena wala jotna wala kon wala xamna bu gulle pare dum la ñu sax wax wala parce que heure bi ki bu gulle rek man nañu def inshallah Allah Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin